Section 17 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3e. Section 17. Croquis de janvier par Gustave Geffroy. Chapitre 2. Le Camelot. La double rangée de baraques qui transforme les trottoirs du boulevard en deux couloirs étroits a poussé en une nuit. La bâtisse de cette immense file de boutiques légères et minuscules s'est faite presque aussi vite qu'une plantation de décors sur une scène de théâtre. Une sorte de changement à vue s'opère sous les yeux même des spectateurs. Le matin du 24 décembre, rien n'est encore prêt. Le soir, tous les planchers sont posés, les cloisons sont emboîtées ou clouées, les marchandises sont étalées, les lampes sont allumées. Le marchand glapit son appel, la marchande sourit vaguement aux promeneurs. Un art tout particulier préside à l'arrangement de tous ces magasins, remplis de futilités utiles, de bibelots à 25 sous, et qui semblent eux-mêmes des articles paris, des jouets sortis d'une boîte et rangés sur l'asphalte pour amuser la population. L'intérieur des baraques est tapissé de papier peint violent, d'images multicolores, les pantins bourrés de sons, les bonhommes en bois découpé, suspendus au plafond, dansent dans la lumière avec des mines souriantes, béates ou grimacières. Partout, les objets dorés, gaufrés, reluisants, ingénieux, frivoles, sont disposés en groupe, en pyramide, en ligne d'aspect inattendu. En un tour de main, l'étalage a été ordonné, avec une logique et un caprice qui forment le plus piquant accord. C'est le triomphe de ces commerçants, éphémères de disposer leurs marchandises comme un jardinier dispose les fleurs d'un bouquet. La chose leur est facile avec les étoffes, les mouchoirs brodés, les foulards, les rubans, les dentelles. Mais ils y réussissent également avec les humbles objets qui seront donnés en étrenne aux pauvres, depuis le nécessaire dans lequel la fillette mettra ses ciseaux de fer et son dé de cuivre, jusqu'aux porte-monnaies qui seront toujours vides. Oui, ces bourses tricotées, ces portefeuilles en cuir, ces boîtes de sapin vernissées, ces couteaux à manches de corne prennent là, espacés, opposés les uns aux autres, dessinant des arabesques, figurant des trophées, des apparences de jolies choses, des traînes artistiques provocantes et désirables. C'est ce spectacle offert aux yeux, c'est le bruit, c'est la lumière qui sortent des cabanes du jour de l'an. C'est l'habitude, c'est le besoin de se répandre par les rues, certains jours, d'aller devant soi pour le plaisir de marcher doucement et de vivre dans la rumeur de la foule. Ce sont toutes ces raisons qui font que le peuple de Paris se promène pendant 8 soirées, tout le long des boulevards, comme dit la chanson. Les habitués, ceux qui ont fixé comme borne à leur flânerie la chaussée d'Antin d'un côté, le faubourg Montmartre de l'autre, sont effarouchés par cet envahissement de ce qu'ils sont bien près de considérer comme leur domaine. Ces jours-ci, ils s'enfuient, ils cèdent la place au vrai tout Paris en promenade, à petits pas, serrés, pressés, étouffés. Les gens marchent, regardant tout, jugeant tout. On est là, comme à la porte d'un théâtre. Quoi? Qu'est-ce? Il importe peu. Si regarder un mur derrière, lequel il se passe quelque chose, est déjà un spectacle, ce n'est pas un moindre que de regarder une foule qui vient chercher de l'imprévu. Peut-être y a-t-il aussi, dans cette manifestation de plaisir parisien, qui se déploie à travers la ville, une touchante idée, le désir de mettre de la cordialité dans une distraction annuelle. Le Parisien aime acheter au camelot, au petit marchand qui a fabriqué lui-même sa marchandise, à l'industriel qui campe entre trois planches, qui mange sa soupe dans sa baraque, y prend son café, s'y chamaille avec sa femme. N'est-ce pas une occasion, avoir affaire au producteur lui-même, se passer des intermédiaires qui nuisent à la fois à l'ouvrier et au client? N'est-ce pas charmant d'acheter l'objet qui a été confectionné dans une petite chambre d'un faubourg, sur un établi placé dans l'embrasure d'une fenêtre et muni seulement d'un bec de gaz et d'un étau? Et c'est là de la bonne marchandise, solide et inusable. On en a pour jusqu'à l'année suivante. Il faut en rabattre. Non pas qu'on ait tort d'acheter aux braves gens qui ont si belle envie de vendre, mais le camelot, l'ouvrier qui trafique pour son compte, qui touche le produit intégral de son travail, est là, comme ailleurs, une espèce rare. Le naïf parisien est encore une fois pris au piège par les malins du grand négoce, par les princes de la réclame. Le boutiquier, le patron, l'entrepreneur sont maintenant à peu près les seuls exploiteurs de ce filon commercial qui rend si abondamment pendant les 8 derniers jours d'une année et les 8 premiers jours de l'année suivante. C'est le grand fabricant qui crée un dépôt de marchandises. C'est le grand magasin qui établit une succursale. Il sait bien, le malin boutiquier, que vous délaisserez sa maison illuminée par les feux du gaz pour aller à l'étalage en plein vent, éclairé par deux lampions. Il joue à coup sûr contre votre bon cœur et votre désir de trouver du nouveau. Aussi n'y va-t-il pas par quatre chemins. Il installe tranquillement une baraque en face de son magasin orné de glace. Il dépose là son excédent de marchandises, y installe un employé à lui ou un malheureux sans ouvrage, et vous regarde du coin de l'œil, en souriant, faire vos achats, en vous réjouissant du bon tour que vous lui jouez. N'importe, achetez au camelot, achetez-lui des trompettes pour vos garçons et des poupées pour vos filles. Employé de boutiquier, ouvrier en chambre, c'est tout un. Aidez-le, en ses jours de fin d'année, à gagner les quelques pièces blanches dont il a le plus pressant besoin. Il n'y a que cela qui ne change pas, pendant que le commerce et l'industrie passent perpétuellement par des phases nouvelles. Qui sait si dans l'avenir, au jour de l'an, les baraques traversant Paris, de la Bastille à la Madeleine, l'enserrant par les boulevards extérieurs, qui sait si ces milliers de baraques, toutes semblables, divisées par séries, classées, numérotées, n'appartiendront pas à une société ayant acquis le monopole des étrennes. Fin de la section 17, lue par Margot.